Non, non, ça fonctionne maintenant. Voilà, je voudrais vous remercier d'être venu pour ce combat. Parce que on commence à en avoir marre que des gens comme l'ONEM, comme le PS, et comme... Continue, continue, ça va revenir. On va mettre celui-là, c'est bon. Ça bouge moins, mais ça va mieux. C'est parce qu'il y a envie. Est-ce que je fonctionne? Oui, je fonctionne. Bah, je recommence. Je vous remercie d'être venus. D'être venus aussi nombreux. Parce que on commence déjà à en avoir marre de l'ONEM et du PS et de tout ce gouvernement qui est en train de se foutre de notre gueule. Il faut nous dire la vérité. Il a marre d'entendre des âneries pareilles. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Et où est-ce qu'on va là maintenant? Il faut dire à ces putains de politiciens, arrêtez de foutre de notre gueule. On n'est pas des cons. Merci. Bon alors, nous avons peut-être issu une défaite, mais c'est pas encore la victoire. Donc il va falloir en remettre des couches, et là on va aller de plus en plus, et s'il faut on le refera chaque mois, mais cette fois-ci, maintenant il faut monter, et monter la pression pour que le PS va rentrer une mesure fédérale pour faire face aux sanctions du chômage. Maintenant, il n'y a pas que le PS, il y a Écolo également qui est en train de faire ça. Le tout, c'est que il faut y croire, il faut les aider pour entreprendre cette marche. Les difficultés qu'on rencontre à présent, c'est pas des difficultés, c'est juste qu'il faut encore se bouger, qu'il faut montrer qu'on est là, qu'il faut montrer que dans chaque ville, on est en train de se bouger, parce que maintenant, il y a une paupérisation croissante de la population. Et si on ne fait rien, ça va être terminé. Donc maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant, j'ai dit ça 5 fois. Vas-y. Voilà, merci de venir ici, mais on n'est pas assez nombreux. Avec tout ce qui se passe actuellement, on devrait être 2000, 3000 personnes ici dans la rue. J'ai l'impression que les chômeurs sont en foutent, qu'ils sont bien, mais on doit être plus nombreux encore. Si on avait été plus nombreux, on aurait pu tout bloquer ici. On aurait pu tout bloquer, aussi bien devant le PS, devant l'ONEM, devant... Je veux que si la prochaine fois on recommence, on doit être encore beaucoup plus nombreux. Si vous avec les syndicats. Avec les syndicats, parce que moi je suis peut-être le seul délégué syndical de la CGSP qui représente les camarades qui sont au chômage. Et voilà, on a fait un appel à la radio, il y a eu des appels partout. Il y a des petites, il y a le PSL qui est là, il y a le PT, non le PTB n'est même pas là. Voilà, il y a un membre de la CSC qui est là, voilà. Voilà le petit, où est le monsieur là à côté de moi, la CIC. Mais les chômeurs, où vous êtes? Réveillez-vous. Eh bien voilà, mobilisez-vous. Et la prochaine fois, on sera encore plus nombreux. On doit être à Bruxelles ici, 2 à 3 000 manifestants. On va voir à Liège combien ils étaient, à Namur, à Charleroi. Et à Bruxelles. Et à Bruxelles, vous savez que CPH de Wallis-Saint-Lambert. Ils vont licencier 8 personnes à Wallis-et-Saint-Lambert. Parce qu'ils ont besoin de l'argent. C'est une des communes les plus riches. Et on est occupé à se battre pour les garder. Parce que sinon, ils vont se retrouver au chômage ou au CPS. Et nous le regrettons bien fort. Maintenant, merci à tous ceux qui sont venus. Et à bientôt. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Liège, Namur, Charleroi, La Louvière? Est-ce que quelqu'un a des nouvelles des autres villes? Est-ce que quelqu'un peut prendre des nouvelles des autres villes et nous faire un topo dans 2 minutes? Bon, ça craint. On aura les nouvelles ce soir. Ils se sont dit qu'ils avaient remis une proposition pour abroger cet article, tout en disant que ça ne serait pas accepté. Donc ça prouve c'est bien qu'elle ne fait pas de populisme. Le pouvoir qu'ils ont. D'accord. Donc je pense que c'est à nous de continuer à nous bouger massivement. Bon. Moi, je voulais vous dire qu'il faut tout changer. Il faut supprimer l'argent. Le problème, c'est l'argent. Ouais. Un toit, l'Amérique, tout le monde. Le problème, c'est l'argent. Il faut supprimer l'argent. Ah, de quel argent ? Parce que le problème est l'argent. L'argent crée la violence, l'argent sert à nourrir les mafias.